Le pardon de l'évadé par Jacques Cézambre. Ré ré si si do. Et le vieux marteau battait la mesure pendant que Marianne promenait son doigt menu sur le livre de solfège. Si si do do, deux temps, ma petite. Mais le travail ne disait rien à la fillette ce jour-là. De la plantation toute proche où mûrisaient les cerises décaféillées, la brise arrivait par lambeaux, subtilement parfumée. La lourde chaleur de mars venait de tomber. C'était le grand repos de la brousse calédonienne. Marianne se leva. « Assez de musique pour aujourd'hui, Marton. Si nous allions plutôt faire un tour dans les bois de Pancalais. Tiens, voici Pierre, justement. Pierre, Pierre !» Un grand garçon d'une trentaine d'années, au profil hardi, à l'œil clair, arrivait en souriant. « Venez, Pierre, vous me cueillir des fleurs de flamboyant jaune et rouge pour mettre dans mes cheveux. » Ils s'en allèrent, longeant la lisière de la savane, sous les pins colonnaires énormes et les tristes niaoulis, les deux hommes suivant du même regard admiratif cette fillette blonde qui galopait devant eux comme un cabri. Sous le même costume de toile et de grands chapeaux de paille pareil, ils se révélaient très différents. Marton, âgé d'au moins 60 ans, avait une tête de philosophe où la fatigue et la douleur avaient creusé des rides profondes, accusé les méplats, visage de brave homme résigné, qui disait la bonté, l'indulgence. Pierre se révélait au premier coup d'œil, volontaire, énergique et fort. Cependant, le jour déclinait rapidement. Ils rentrèrent à pas lents pour le repas du soir. Sous la véranda se dressait déjà la table. La gargoulette fraîche se balançait à une solive, et de grands régimes de bananes pendaient, accrochés au bord du toit, mûrissant pour de prochains repas qui seraient, comme celui-ci, très calmes dans la nuit parfumée. Un homme attendait le retour des promeneurs, un colon, approchant de la quarantaine et bien découplé dans ses vêtements kakis. Pas de finesse sur les traits brunis, mais une force toute faite de souplesse et de volonté tendue. « Bonsoir, papa. »« Bonsoir, mon enfant chéri. »« Allons, Marton, et toi, Pierre, à table. » Le repas, servi par deux canaques, fut vite expédié. Ils causaient peu entre eux, uniquement occupés de Marianne, pour laquelle on le sentait et ils vivaient tous les trois. Mais quand la fillette eut gagné sa chambre, ils s'accoudèrent sur la table devant un verre de vin de palme, la pipe aux dents, devenue subitement grave. Le colon Jean Kerdren exposait de nouveaux projets à ses deux compagnons. Il avait l'intention de solliciter du conseil général de la Nouvelle-Calédonie la concession d'une terre attenante à celle qu'il exploitait déjà depuis près de 15 ans. Il pouvait compter sur eux, n'est-ce pas, pour les travaux supplémentaires que cela occasionnerait. Eux, protestant de tout leur dévouement, remerciaient les larmes aux yeux. Devant Marianne, Pierre et Marton se comportaient en employés amis de la maison. En présence du colon seul, ils prenaient, involontairement et malgré l'habitude, des allures de chien battu. Elle ne savait rien, la petite. Elle ne devait rien savoir, jamais. Marton, qu'elle avait toujours vu à la plantation, faisait à ses yeux partie de la famille. Quand on n'a plus de maman, deux papas ne sont pas de trop, et Pierre était pour elle comme un grand frère. Comment aurait-elle pu soupçonner la vérité? Marton était un bagnard gracié. Notaire de province, il avait, en spéculation de bourse trop hasardée, dissipé la majeure partie des fonds déposés chez lui. La haine tenace des campagnards, de ceux qui ne pardonnent pas les plaies d'argent, lui avait valu 8 ans de travaux forcés à une époque où les jurés étaient moins indulgents qu'aujourd'hui. Libéré au bout de 5 années, à cause de sa bonne conduite, et ne voulant à aucun prix retourner en France, il eut la bonne fortune de rencontrer le colon Kerdren, dont il devait devenir rapidement l'homme de confiance. Au temps où Marianne était une petite fille de 6 ans, un autre homme arrivait un jour à la ferme. Jeune celui-là, très jeune, 23 ans peut-être. Le colon l'amena un soir, triste, fatigué, et dans quel état? Demi-nu, la barbe souillée de vase. Il se jeta gloutonnement sur la nourriture qu'on lui offrait, et dès le lendemain il prit du service à la plantation, travaillant avec une sorte de rage farouche, visiblement ému quand on avait pour lui un sourire, une bonne parole. Si Marton était le professeur de l'enfant, Pierre la charmait par ses histoires. Il comptait bien, et elle écoutait, bouche bée, attentive aux péripéties de Robinson Crusoé, au malheur du petit Pousset. Certains jours, Pierre devenait sombre. Gerdren, alors, devinait quelle scène il évoquait dans sa rêverie. Une barricade dressée dans un quartier d'usine, et sous le crépitement des fusillades, de malheureux grands gars conduits au meurtre imbécile par des utopistes ou des traîtres qui hurlaient en brandissant le drapeau rouge des révoltés. Pourtant, c'était Pierre qui tenait la plus grande place dans le cœur de la jeune fille. Elle gardait son admiration d'enfant pour ce grand garçon robuste qui savait si bien la faire rire et dont les yeux reflétaient tant d'énergie. Tous les soirs, les trois hommes et Marianne s'attardaient après le repas dans la grande salle de la ferme. Des rideaux de raffia, des meubles de rotin achetés à Nouméa, des coussins blancs brodés par la jeune fille, faisaient de leur salon un coin délicieusement calme. Le vieux Marton s'endormait vite, sa grande barbe blanche en éventail sur la poitrine, les mains croisées sur les genoux. Gerdren travaillait à ses comptes ou lisait les dernières nouvelles dans la France australe. Marianne s'asseyait au piano et Pierre lui tournait les pages. Ces gens étaient heureux. Parfois, cependant, Pierre prenait le colon à part d'un air inquiet pour lui rappeler sa promesse, le suppliait encore de garder le silence sur son passé. Gerdren lui tapait amicalement sur l'épaule. « Va, mon gars, ne crains rien, et continue à bien travailler. » Marianne venait d'avoir 16 ans. Un soir, sous la véranda, Pierre rédigeait la correspondance pour le courrier du lendemain. La jeune fille qui lisait près de lui, assise dans un rocking chair, leva soudain la tête. « Tiens, un visiteur !» Au bout de l'allée centrale, un homme arrivait, un soldat sans doute, tout de blanc vêtu, un insigne métallique au casque, le revolver au côté. Sous l'ombre des arbres à pins, il enleva sa coiffure pour s'éponger le front et l'on distingua son visage. Marianne ne s'aperçut pas que Pierre, devenu très pâle, rentrait précipitamment dans la maison. Devant la véranda, l'arrivant s'arrêta et salua militairement. C'était un gendarme au regard clair et dont l'impérial grisonnait. « Bonsoir, mademoiselle. Monsieur Jean Gerdren, s'il vous plaît. Vous le trouverez à côté, au magasin de vivres, monsieur. Je ne le dérange pas, au moins. J'ai le temps, vous savez. Son livret militaire à lui remettre contre signature. C'est pour lui annoncer subséquemment qu'il est rayé des contrôles. Le voilà dans les vieux, maintenant. 45 ans. Ah, ça ne nous rajeunit pas. » Il s'éloigna vers le magasin et 20 minutes après, sa silhouette blanche reparut, diminuant vers la grande route. Marianne s'aperçut alors de la brusque disparition de Pierre. Elle entra dans le salon. Il était là, effondré sur une chaise, et si pâle, si pâle. « Pierre, mon ami, qu'avez-vous ? » ?»« Rien, Marianne, je vous assure. » Sa main fiévreuse essuyait sur son front une sueur qui y revenait toujours, et il essayait de sourire, mais son expression n'en était que plus navrante. Tout émue, elle lui avait passé un bras autour du cou. « Je vois bien que vous souffrez, Pierre. »« Non, Marianne, vous êtes bien bonne. » Il ne put retenir de larmes qui venaient de naître en ce Cécile. Elles roulèrent lentement dans sa barbe brune. Alors il se dressa d'un seul coup, écarta presque brutalement le bras de la jeune fille et, descendant les marches de la véranda, s'éloigna sous les arbres à palans. Marianne demeurait immobile, anéantie, ne sachant que penser, à son lieu de soupçonner ce qui pouvait bouleverser son ami d'enfance. Il se mit à pleurer aussi. Son père arrivait. Elle voulut se redresser, sécher ses yeux, prendre un air enjoué, mais Gerdren la connaissait trop bien pour ne pas apercevoir instantanément son attitude embarrassée. Il fallut s'expliquer. « Je suis un peu énervé, c'est tout. » Seulement, l'insistance du père, son ton bref, déroutèrent la jeune fille qui dut avouer « C'est à cause de Pierre. »« De Pierre ?»« Oui, parce que je l'ai vu pleurer. »« Et que t'importe ? » ?»« Cela te fait donc tant de chagrin de voir Pierre pleurer ?» Marianne rougit. Son père prenait un air mauvais, qu'elle ne lui avait jamais vu. Il se fit plus rude encore, dénouant les doigts qu'elle avait joints sur sa figure. « Allons, réponds. »« Oui, cela me fait de la peine. » Il devint blême et hésita quelques secondes. « Est-ce que tu l'aimerais, ma fille ?» Elle eut un oui à peine perceptible. « Tonnerre !» dit Gerdren d'une voix basse et rauque. « Voilà du propre. Pouvais-je prévoir ça, moi ? Un homme ? Un bœuf ? On voit une enfant grandir. mais on ne peut imaginer qu'elle ne deviendra jamais une femme, avec un cœur comme les autres. » Il prit sa fille par les coudes et la poitrine houleuse, visage contre visage, parlant très vite. « Tu l'aimes beaucoup ? Oui. » « Tu en es sûr ? Oui. » « Le sait-il ? Je ne crois pas. » « Et lui, t'aime-t-il ? Je ne sais pas. » Au bout de la véranda, Pierre apparut les lèvres frémissantes, les yeux fous. Mais Kerdren ne pouvait le voir. « Je ne veux pas. Je ne veux pas. Entends-tu que tu aimes cet homme ? Je te le défends. » « Oui, père. Ah, je te maudirai. Sais-tu d'où il venait quand je l'ai recueilli par pitié ?»« Non, père. » « Du bagne. C'était un évadé. Comprends-tu, du bagne ?»« Voilà pourquoi il était si ému, tout à l'heure. Ce gendarme, il le connaissait. » Le colon n'acheva pas. Une main tremblante s'était posée sur son épaule. « C'est comme ça que vous avez tenu votre promesse, monsieur Kerdren. Alors, 8 ans de travail, de conduite exemplaire, ça ne compte pas. Une faute de jeunesse, ça ne s'efface pas. » C'était pas la peine qu'on supprime la marque au fer rouge, si pour un oui ou pour un non, on vous rejette à l'ordure avec des insultes. Il essayait de se contenir, mais la colère montait dans ses yeux. Instinctivement lui revenait son accent faubourien, ses attitudes de beau-parleur derrière boutique de marchand de vin. « Voulez-vous que je vous dise, monsieur Kerdren ?»« Eh bien, après votre promesse, ce que vous avez fait là, ça s'appelle une lâcheté. » Kerdren bondit, le poing levé. « Une lâcheté ? Et c'est toi qui oses m'insulter ? Toi, la fripouille, qui sans ma générosité, marcherait encore sous le revolver des gardes Chiourme ? Oh, mais je comprends maintenant tes petites machinations. » Tu pensais qu'à la fin je te donnerais ma fille, hein ? Je n'ai rien à me reprocher. Ça suffit. Les hommes comme toi, on s'en débarrasse. Et vivement, allez, en route. » Pierre jeta un regard éploré sur Marianne, qui sanglotait à genoux, effondrée près de son père. Il hésita comme s'il allait dire quelque chose, puis descendit les marches. Et il s'en alla vers la route, lentement, sous les arbres qu'il avait plantés. À chaque pas, il se retournait pour regarder la maison, où il laissait son cœur, où il ne reviendrait jamais plus. Il erra des jours et des jours dans la savane, buvant aux sources, mangeant des fruits sauvages. Sa souffrance physique n'était rien, mais il sentait bouillonner en lui une haine affreuse contre les hommes. L'esprit de révolte rongeait dans son âme tout ce qui était resté pur. Rejeté par la société, il se sentait prêt à tout. À bout de force, sachant pourtant qu'il risquait d'être repris, il gagna un village kanak. Comme il avançait prudemment, 500 mètres avant les premières cases, il vit un homme, un blanc, comme lui, qui fuyait, hâve, hirsute, affamé. Il le reconnut tout de suite, malgré les années écoulées. De Lourmeau, un apache condamné à 20 ans, évadé sans aucun doute. Ils étaient relativement nombreux, ceux qui, s'échappant du pénitencier, devenait ainsi pour un temps des errants de la brousse. De Lourmeau, venu là pour voler du maïs, de la farine, une nourriture quelconque, avait été aperçu. Les canaques le poursuivaient, alléchés par la prime offerte à ceux qui ramenaient un évadé. Pierre le suivit dans la savane. C'était toujours un compagnon, ce bandit. Alors recommença pour lui cette épouvantable existence de vagabond, à laquelle, 8 ans plus tôt, le geste généreux du colon Kerdren avait mis un terme. Le souvenir des jours de bonheur la lui rendait plus amère, plus horrible, et souvent il s'arrêtait au bord d'une rivière ou d'un gouffre, pris d'une tentation de suicide. Il se reprenait vite. Puisqu'on ne voulait pas qu'il fût honnête, puisqu'on le rejetait, malgré lui, dans l'armée infâme, il se révoltait. Il leur déclarait la guerre à tous. Comme il serrait les poings en détournant la tête pour que son compagnon ne vît pas ses larmes quand il pensait à elle. Mais il chassait vite cette vision, pas de faiblesse, surtout. Il leur tiendrait tête à tous, et on ne l'aurait pas vivant, bien sûr. Il fallait manger. Vol dans les plantations, dans les villages indigènes, meurtre de canaques et de colons, ils ne tardèrent pas à faire parler d'eux. Par rage, par défi, par haine, Pierre assassinait. Pour quelques sous, pour un peu de nourriture, il tuait. Le jour, il se cachait dans la brousse. La nuit, ils erraient affamés et là, souvent, au point de souhaiter une rencontre, la dernière, avec les gendarmes ou les canaques de la police. Et puis, quand ils avaient mangé, c'était des espoirs fous. Une occasion, un coup meilleur, qui leur permettrait de se cacher sur la côte et de se procurer une embarcation pour gagner l'Australie. Un soir, au clair de lune, ils guettaient au bord d'un chemin quand ils entendirent quelqu'un qui arrivait. Les deux hommes se serrèrent l'un contre l'autre, aplatis contre un buisson, ensevelis sous une frange de liane pendant d'un banian. C'est un homme chaussé de bottes, un blanc, entends-tu? Oui. Prépare-toi. Je sors le premier, je lui saute à la gorge et toi, ma lame entre les épaules, entendu. Les pas approchaient. Les deux bandits rampèrent, prêts à se ruer, et comme l'homme passait lentement appuyé sur un bâton, Delormont l'empoignait au cou d'une étreinte de fer qui ne laissa même pas filtrer un râle. L'autre, d'un seul mouvement, lui enfonça son couteau dans le dos jusqu'au manche. L'inconnu s'écroula entre leurs bras, et son grand chapeau en fibre de pandanus roula sur la route. Alors, au jour bleu de la lune, son visage apparut, encadré de barbe blanche, et Pierre, épouvanté, se jeta sur lui avec un grand cri. « Marton ! Marton !» Il ne pouvait plus l'entendre, le pauvre homme, tué sur le coup, atteint en plein cœur, et le gueux, l'outlaw, demeurait là, immobile, sur la route dure, anéanti. « Bah quoi ?» fit la voix crapuleuse de Delormeau. « Qu'est-ce que tu attends pour lui retourner les poches ? C'était pas ton grand-père, non ?» Pierre, à genoux, ne l'entendait pas, il murmurait. « Marton, tu n'es pas mort, n'est-ce pas ?»« Tu m'entends bien, Marton ?»« Oh, pardon, pardon, si tu savais. »« Bah, mon colon ?» fit Delormeau sidéré. « Parle-moi, Marton. Dis-moi que tu me pardonneras. Parle-moi de Marianne. »« Tu vois pas qu'il est refroidi ?»« Ben, mon vieux, si je te connaissais pas comme je te connais, je croirais que t'es pas du métier. Laisse courir, va, je vais lui faire les poches. » Pierre pleurait, le visage dans ses mains, tellement désespéré qu'il ne songea pas à protéger le corps de son vieux compagnon contre la rapacité de son complice. « C'est bien notre veine, » ragea Delormeau. « 16 sous, un vieux couteau et une photo. »« Tiens, elle est gentille, sa demoiselle. » Pierre bondit. « Donne, donne !» C'était bien elle. Il l'avait devinée tout de suite. Un portrait de Marianne fait à Nouméa et que le pauvre Marton devait toujours porter sur lui. Pierre sanglotait éperdument, couvrant de ses larmes la chère image. « Décidément, » murmura Delormeau, « il connaît toute la famille. » Mais presque aussitôt sa voix changea. « Hé là, v'là du monde !» Par habitude, sans réfléchir, Pierre le suivit dans la brousse, comme il le faisait depuis des semaines, et leur sinistre existence recommença. « Pourquoi ?» se demandait Pierre. « Pourquoi Marton passait-il sur ce chemin si éloigné de la plantation Kerdren ?» La photographie portait une dédicace. « À mon bon Marton, pour qu'il se souvienne de moi, Marie-Ange. » Elle était donc partie. Peut-être son père l'avait-il emmenée ou envoyée en France. Il avait pu se passer tant de choses depuis que Kerdren l'avait chassée. Ça lui était bien égal maintenant de se faire tuer. Il ne discutait même plus les projets de Delormeau, suivant passivement son affreux complice, attendant l'heure qu'il savait devoir fatalement venir. Elle vint, en effet. Il s'était approché de la côte ouest, plus habitée que l'autre, continuant à piller, à voler, échappant avec une chance invraisemblable à ceux qui les traquaient. De Nouméa, de Bouraille, des gendarmes, des canaques, auxiliaires de la police, avaient été lancés contre eux, mais personne ne réussissait à les prendre. La presse locale protestait, s'étonnait d'une impunité si longue. Le gouverneur avait promis une forte prime à qui livrerait les deux misérables. Un soir, les deux hommes songeaient, assis près d'un maigre feu de sarment, leur frugal repas terminé. Delormeau ayant brisé avec une pierre le goulot d'une bouteille de genièvre volée quelques heures plus tôt, se mit à boire, s'interrompant de temps en temps en claquant la langue. « Y a pas à dire le contraire, c'est du fin. Tiens, je suis pas rancunier, moi, à la santé du gouverneur et de sa dame. Un petit lait comme ça tous les jours, ça réconcilierait avec le monde entier, parole d'honnête homme. Je t'en offre pas, vu que tu deviens sérieux. Mais pour du fin, c'est du fin. » Pierre ne buvait plus, en effet. Pendant des journées entières, il n'adressait pas la parole à son compagnon, mais seul, à l'écart, il contemplait la photographie de Marianne, qu'il gardait toujours sur son cœur. « À la tienne !» reprit Delormeau en élevant la bouteille à moitié vide. Il eut un bruit soudain de branches brisées, de feuillages piétinés et quatre canaques apparurent, conduits par un gendarme. « Oh les mains !» Delormeau, qui était ivre, se dressa, revolver au poing en titubant. Avant qu'il eût tiré, un coup de matraque l'abattait, le crâne ouvert. Il y eut une mêlée de quelques secondes, des coups sourds, des soufflements de bêtes, puis un éclair, une détonation sèche. Pierre, atteint à la poitrine, s'écroula en gémissant. À cause de la gravité de sa blessure, le 3163 avait été admis à l'infirmerie du pénitencier. Il reposait immobile sur le petit lit au drap grossier, la tête figée sur l'oreiller blanc. Sa face émaciée avait repris le calme et la sérénité des beaux jours d'autrefois. Sous les couvertures, on apercevait les chaînes qui, suivant le règlement, fixaient le mourant à sa couche. Le médecin venait de passer. Pierre avait lu le verdict dans ses yeux, dans son geste bref, et devinait aussi les mots glissés à l'oreille de l'infirmier. Carte blanche. C'était fini. Allons, tant mieux. Il ne souhaitait plus rien que la mort, l'oubli, le grand repos. On pourrait faire de lui tout ce qu'on voudrait. Il désirait seulement qu'on lui laissât la petite photographie que tenait sa main crispée. Le pauvre petit portrait jauni, sali, taché de sang. Le médecin à deux galons, un jeune, avait eu pitié, puisqu'il permettait qu'on lui laissât ce souvenir. Pierre se sentait tellement faible que la lumière des fenêtres le fatiguait, l'obligeant à fermer les yeux. Tout était silence dans la salle blanche. On entendait seulement parfois passer une religieuse, prenant bien garde de ne pas faire trop de bruit. Tout à coup, l'agonisant ouvrit les yeux. Il avait senti que, passant près de son lit, l'une de ses saintes filles s'était arrêtée. C'était une sœur de Saint-Joseph de Cluny, très jeune, diaphane sous la guimpe. Elle eut un mouvement de stupeur, un recul, puis les mains brusquement jointes et les paupières closes, elle s'immobilisa dans une prière. Lui, à demi soulevé sous un coude, regardait de toute son âme. Ses lèvres remuaient sans réussir à émettre un son. Il retomba enfin, abattu par le désespoir. Marianne, Marianne. Agenouillée devant le lit, la religieuse avait pris doucement la main du mourant, cette main qui tenait encore le portrait qu'elle avait donné à Martonne au moment de partir pour le couvent. Pierre, je vous demande pardon de vous avoir fait tant de mal sans le vouloir. J'ai tout su depuis le départ de la maison, et ce que j'ai souffert est horrible. C'est ma faute. Je n'étais qu'une pauvre petite fille sans raison. Est-ce que je pourrai jamais expier le mal que je vous ai fait ? Le forçat balançait douloureusement sa tête lourde sur l'oreiller. La revoir ainsi, ne pas pouvoir fuir son regard. C'est vrai, j'ai tué. Mais le châtiment est abominable. Vous n'avez pas tout oublié, Pierre. Votre cœur n'est pas fermé au repentir. Il se redressa tout à coup, les yeux égarés, la voix lointaine. Venez, Marianne. Nous allons cueillir des fleurs de flamboyant pour mettre dans vos cheveux. Écoutez-moi, Pierre. Je vais appeler Monsieur l'aumônier, n'est-ce pas? Vous voulez bien? Je vous laisserai avec lui un moment. Puisqu'il fait si beau, Marianne, nous irons jusqu'au bois de hêtre noir. » Elle pencha sur lui son joli visage désolé. « Le malheureux, il ne m'entend déjà plus. Pierre, Pierre, va-t'en. Tu ne sais donc pas ce que c'est qu'un bagnard? Est-ce que ça se repent, un bagnard? Est-ce qu'on lui pardonne? Oui, Pierre, puisque Dieu pardonne. » Il eut un dernier râle étouffé par le flot de sang qui montait de sa poitrine trouée à sa bouche. Sa main esquissa le geste d'amener une fois encore le portrait jusqu'à ses lèvres, et puis il ne remua plus. Doucement, la religieuse ferma ses yeux, glissa entre ses doigts joints un petit crucifix d'ébène, et s'agenouilla au pied du lit. Elle pria longtemps, si longtemps qu'on aurait pu la croire insensible, elle aussi, sans le sursaut douloureux qui parfois secouait ses épaules. Le soleil éclairait gaiement les rideaux blancs des fenêtres grillées de lourds barreaux de fer. C'était le début d'une matinée chaude et lumineuse. Ainsi s'achève « Le pardon de l'évadé » par Jacques Cézambre.